The rave, kicking wild with the fuel. Take it to the top of the shield, then you shake it all down, make your mind get free. Take a chance and move that body, break it all down, let's have a party. Step one, you wanna dance, take a chance right now with the romance. Cool. Kick the nation with the groove, then we rock the place when the bass gets smooth. Yeah, a magical mystery thing, check it out, yeah, the hit house scene. Come on, freak it out, the sensation. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle François. J'ai 14 ans, j'étudie dans l'école Francesc Macià à Cornellà de Llobregat, une petite ville de Catalogne, à l'Espagne. Physiquement, je suis un garçon grand, j'ai les cheveux longs et marron, les yeux bleus et... Je suis de constitución forte. Psicológicamente, je suis un garçon ouvert, disposé a conocer de personas un peu baba, gentil, inteligente, y je me preocupé de mis amigos. Mon passe-temps favori, c'est jouer à l'ordinateur. Sortir avec mes amis et dormir. Par contre, je n'aime pas les mensonges, lire et le cinéma. Mon sport préféré, c'est le basket. Mon équipe préférée, c'est le Real Barça. Quand je serai grand, j'aimerais être joueur de basket. C'est très compliqué. Le style de musique que j'adorais, c'est le hip-hop. Le hip-hop espagnol, l'anglais et un peu le français. Parce qu'il explique des choses sur la vie. Et mon chanteur préféré, c'est Kelly James. C'est fini ma présentation. Au revoir. Get smooth, yeah, a magical mystery thing. Check it out, yeah, the hit house scene. Come on, freak it out, the sensation. Body free, generate the foundation. Jump all around, move that body.